Bonjour à tous, chers amis de la langue française, chers amis de FrenchPod. Nous revoici pour une émission d'EntrePod, où aujourd'hui je suis en la compagnie de la charmante Marion. Bonjour. Bonjour Marion, ça va ? Très bien, et toi ? Très bien. Je suis très heureux parce qu'on va parler de la ville lumière, de la ville de l'amour, ville romantique. On va parler de la capitale de la France, Paris. Alors pour cela, on a un invité dans le studio aujourd'hui. Notre invité s'appelle Fabrice. Bonjour à tous. Tout va bien ? Tout va très bien. Donc tu es là pour nous parler de ta ville, mais est-ce que tu es vraiment né à Paris ? Est-ce que tu viens exactement de la ville de Paris même ? Non, pas exactement. Je viens du nord-est de Paris, donc dans la banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle Drancy, qui est à 5 km de Paris environ. Ok. Donc c'est une petite ville de 20 000 habitants. Donc on peut arriver sur Paris grâce au métro ou au train, ça prend à peu près 10 minutes. C'est quelque chose qu'il faut savoir, il y a une différence entre la ville proprement dite et ce qu'on appelle la banlieue. Si tu devais te décrire, tu dirais alors que t'es plutôt vraiment un Parisien ou t'es de la banlieue ? Plutôt un Parisien. Je dis toujours que je viens de Paris. Donc la banlieue, c'est la même chose ? C'est pas vraiment la même chose, c'est un petit peu différent. Et en fait, ce qu'on appelle la banlieue, c'est toute cette région qui se situe autour de la ville même de Paris. Paris, ça forme un cercle, en gros. Oui, exactement. Paris, c'est un cercle où il y a 2 millions d'habitants. Ok. Et la banlieue est beaucoup plus grande et contient 8 millions d'habitants. Donc la région parisienne, en général, compte 10 millions d'habitants. Par contre, dès que tu sors, dès que tu bouges, tu te diriges vers la ville de Paris, tu restes pas en banlieue. Oui, pour sortir, vaut mieux aller sur Paris, c'est là où sont tous les bars, et c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus de monde, donc il vaut mieux aller sur Paris pour sortir. Et c'est plus ancien aussi, non ? C'est aussi plus ancien, et donc c'est beaucoup plus joli, tout est plus joli à Paris même, vu qu'il y a tous les vieux quartiers, le boulevard Haussmann, enfin, l'architecture haussmannienne. Ouais. Et alors, quels sont tes quartiers préférés à Paris ? Alors, il y a le quartier du Marais, très sympa, dans le centre de Paris. Ouais. Il y a Montmartre, la butte de Montmartre. Ouais, qui est vraiment connu. Très connu, par exemple le film Amélie Poulain était tourné là-bas. Ouais. Sinon il y a le Louvre, ouais. Très bel endroit avec tous les coins des artistes, où on peut voir des peintres dans les rues, où on peut faire son portrait. Qui se trouve juste en bas des Champs-Élysées. Dite par les Français la plus belle avenue du monde. Avec, c'est vrai que c'est joli, hein. C'est très joli, oui. Avec beaucoup de magasins, avec l'Arc de Triomphe au bout des Champs-Élysées, avec beaucoup d'étrangers pour découvrir de nouvelles personnes. Saint-Michel Notre-Dame. Qui est une petite île. Exactement, oui, c'est une petite île où il y a Notre-Dame de Paris, donc. La fameuse église, c'est ça ? Voilà, l'église Notre-Dame de Paris, avec toute l'histoire de Quasimodo et Esmeralda. Aussi Notre-Dame. Voilà, exactement. Uh-huh. Et concernant Montmartre, donc il y a un utilisateur qui demandait si Montmartre était vu par les Parisiens seulement comme un endroit touristique à Paris ou si les Parisiens vont là-bas pour sortir aussi. Alors c'est vrai que c'est vu comme un endroit très touristique, vu qu'il y a énormément de cars de touristes tous les jours qui y arrivent. Ouais. Mais d'un autre côté, les Parisiens aiment bien aussi s'y balader, passer du temps là-bas parce que le quartier est vraiment magnifique avec une très belle vue de Paris. Des artistes partout dans les rues qui font des peintures, des portraits des gens. Et il y a aussi en bas de la butte, c'est pas là que se trouve le Moulin Rouge ? Si, exactement. Le Moulin Rouge et tous les cabarets de Paris. Énormément de cabarets de Paris par là. Ouais. Et donc oui, le Moulin Rouge, entre autres, le plus connu. Tu es allé au Moulin Rouge ? Non, jamais. Dans des cabarets ? Oui, le Lido, qui se trouve sur les Champs-Élysées, qui est aussi un cabaret dans le même style que le Moulin Rouge, avec des femmes qui dansent. Le French Cancan ? Non, pas au Lido. Okay. Ça, c'est au Moulin Rouge. Toujours ? Oui, toujours. C'est la spécialité du Moulin Rouge, le French Cancan. Oui, bien sûr. Tout le monde le connaît pour ça. Et donc, toi, tu te déplaces, tu prends le métro ou le train, c'est ça ? Oui. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour se déplacer dans Paris ? Tu trouves que le métro est bien fait ou bien tu prends quoi, toi, généralement ? Le métro est très bien fait. Il y a 16 lignes de métro en tout, donc il est possible d'aller partout. Après, pour quelqu'un qui visite Paris, je conseille quand même le bus. Il y a énormément de bus et ça leur permettra de voir plus la ville, quand même plus Paris, tous les bâtiments et... Ou le Vélib ? Non, mais c'est quoi ça, le Vélib ? Là, je vais expliquer si tu veux. Ah, ok, pardon. J'allais expliquer en fait. Ça vient d'arriver sur Paris. Les gens peuvent payer, enfin louer des vélos en fait, à des bornes. Et donc, il est possible de garder le vélo jusqu'à une heure et donc le remettre à une borne plus loin, ce qui permet d'avoir toujours un vélo disponible n'importe où dans Paris. Et il faut être enregistré pour faire ça ? Il suffit d'une carte bleue et ils prennent juste une caution qui est rendue lorsque l'on rend le vélo. Ah, c'est excellent. Oui, c'est vraiment pratique et maintenant tout le monde utilise ça. Donc toi, tu l'utilises, le Vélib ? Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus sympa, surtout au printemps, quand il fait beau, pendant les beaux jours. Ouais. Ça permet de faire un peu de sport, de se balader et de voir un peu la ville. Et quand t'as bu un verre, tu prends aussi le Vélib ? Ça m'est déjà arrivé, mais bon, vaut mieux éviter. Et alors, tu as cité les quartiers que tu aimais vraiment bien, mais est-ce qu'il y a un monument que tu préfères dans la ville? Bien sûr, il y a la Tour Eiffel qui est très impressionnante. Donc, toute personne qui va à Paris se doit de monter en haut de la Tour Eiffel. Arrête, mais j'y suis allé 5 fois, je n'ai jamais monté. Vraiment? Non, j'aurais dû, ouais. Et c'est vraiment quelque chose à faire. Ouais. Après, il y a un autre quartier que j'affectionne particulièrement, c'est le quartier Saint-Michel. Ouais. Où il y a plein de petites ruelles avec des bars, vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de magasins à voir, une bonne ambiance avec beaucoup de touristes aussi, mais quand même beaucoup de Parisiens, et c'est vraiment à voir. Et toi, Marion, tu connais bien Paris? Je connais un peu, je suis allée parfois en vacances. Et quel quartier que tu préfères ou bien le monument que tu as tu es vraiment content d'avoir visité? Moi, j'aime bien le quartier de Beaubourg. C'est un peu à côté du Marais parce que c'est vraiment là, il y a les rues anciennes, les petits bars sympas, cafés, ouais. Restaurants. Ouais. Le Beaubourg, donc c'est le musée, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le musée d'art moderne. Le centre Pompidou, Beaubourg. Ok. Après, je connais pas non plus tous les coins, mais ouais, les quais aussi. Enfin, aller faire des soirées, boire de la Seine, j'aimais bien. En plus, pendant l'été, ils font ce qu'ils appellent Paris sur Seine ou non? Paris plage. Paris plage. Paris plage. En fait, c'est une plage qui est installée sur les bords de Seine. Ouais. Donc, avec des transats, du sable. On se croirait presque à la plage. Sauf qu'on peut pas se baigner. Ouais, pourtant, il y avait le maire Jacques Chirac qui avait dit qu'on allait pouvoir se baigner à Paris, mais c'est pas vrai, ça encore. Bah, des paroles de politiciens. Et pour revenir donc à la ville, si tu devais citer un défaut de la ville, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, si tu étais maire de Paris, Fabrice, nouveau maire de Paris, qu'est-ce que tu changerais? C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes qui trouvent que la ville est sale. Ouais. Trop de déchets par terre, avec les chiens aussi, beaucoup de chiens, donc ouais. D'éjections. Donc voilà, c'est peut-être une chose à améliorer pour la ville de Paris et peut-être un effort à faire de la part des Parisiens. Pourtant, j'ai l'impression que ça s'est amélioré, non? Il y a de l'amélioration, mais ça reste très loin de certaines villes où j'ai pu aller, en Asie, où c'est beaucoup plus propre, comme à Tokyo, Singapour, les villes sont beaucoup plus propres. Mais ça donne peut-être aussi du caractère à la ville. Oui, c'est ce qui donne aussi un peu le charme de Paris et c'est ce qui fait la réputation des Parisiens aussi. Donc voilà, si tout était vraiment parfait, nickel, magnifique, tout très propre, ça perdrait un certain charme. Ouais. Moi, c'est comme l'interdiction de fumer dans les lieux publics, je trouve que ça enlève beaucoup au charme des cafés, au charme de Paris. Et c'est vrai que les Parisiens sont reconnus normalement pour fumer leurs cigarettes dans leur café, en buvant leur café. Et c'est vrai que maintenant c'est interdit, ça retire quelque chose quand même. Et alors donc concernant les Parisiens, bon, il y a quand même une réputation qui est même pas seulement en France, qui vient aussi des gens qui ont simplement visité la capitale, qui disent qu'il y a une certaine attitude un peu hautaine. Je sais pas si toi, en tant que provinciale, Marion, tu l'as ressenti? Moi non, pas du tout. Non. Enfin, la première année quand j'étais plus jeune, j'avais trouvé, mais là les plusieurs fois je suis retournée à Paris, non. Mmh. Au contraire, j'ai trouvé les Parisiens super sympas, qui m'aidaient. Ouais. Porter mes bagages. Waouh. Mais donc certains touristes et dire que voilà, ils sont ça, une attitude un peu hautaine, un peu dure envers les touristes. Mais c'est surtout un problème de langue, je pense. Parce que c'est vrai que les Français, nous sommes pas très forts en anglais, par exemple. Non, tu crois, hein? Ouais, je suis sûr même. Et donc voilà, le problème de la barrière de la langue, et c'est vrai que les Français font peu d'efforts pour essayer de parler anglais, donc c'est vrai que les touristes se sentent pas très aidés par les Parisiens pour trouver leur chemin ou autre chose. Une froideur qui viendrait là, en fait, fait pas assez d'efforts. Les Parisiens, on peut dire les Français en général, font pas assez d'efforts peut-être pour comprendre. Mais si un touriste essaye de parler français, par contre, ça sera tout à fait différent. Tout le monde sera vraiment très content de l'aider. Grâce à FrenchPod. Voilà, exactement. Voilà, c'était le mot de la fin pour cette première partie. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite avec Fabrice et Marion. La semaine prochaine, vous retrouvez Voulez-vous chanter avec moi, avec Liliana et Marion. Sur ce, moi je vous embrasse très fort. À très bientôt, salut!